Analyse du 24 décembre 2023 par Thierry Pirlo, Sherpa One. Leave the world behind, VS programmation prédictive. Film à voir d'urgence, que l'on pourrait traduire par « Laisse le monde derrière toi ». Ce film sorti en décembre 2023 sur Netflix donne une idée de ce qui pourrait se passer aux États-Unis en cas de blackout complet de la société. Mais qui parmi nos proches comprend le vrai sens de tout ceci? Qui se sent appelé à regarder ce film tout comme Sound of Freedom sur le trafic d'enfants? Si vous avez pris le temps de regarder Sound of Freedom, sorti le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, vous aurez compris ce clin d'œil de l'Alliance et saisi la subtilité du plan, de même que ce nouvel indice en cette fin d'année, avec la sortie de ce film en guise d'avertissement pour un hypothétique blackout. Qui comprend que ce film sur l'EBS est produit non pas par les feux Obama, déjà exécutés, mais par l'Alliance? Qui comprend que ce film sur le blackout, qui sort tout droit d'un chapeau blanc sur Netflix, une des plateformes les plus regardées au monde, est en réalité une opération psychologique de programmation prédictive opérée par l'Alliance militaire? Tout comme ce film White Noise de 2022 sur Netflix à propos du déraillement d'un train à East Palestine qui fut programmé un an avant que ce déraillement ne se produise pour de bon en 2023 à East Palestine dans l'Ohio. Qui, parmi nos proches, comprend que ce film sur le blackout est un prélude à une autre programmation prédictive qui est la sortie en mars 2024 du film Civil War qui traite de la sécession de l'État du Texas, laquelle entraîne une guerre civile aux USA? Qui a entendu, en 2021, après la fraude aux élections américaines, qu'il était possible qu'un jour, l'État du Texas et quelques autres fassent sécession avec le gouvernement fédéral américain? Ces films sont de la programmation prédictive et les événements réels qui se déroulent dans le monde ont pour vocation de nous ouvrir les yeux sur la triste réalité à laquelle nous avons échappé et qui serait la nôtre, avec une Hillary Clinton au pouvoir depuis 2016, en lieu et place de Donald Trump. Nous sommes à cette heure dans une réalité parallèle qui nous est dévoilée par l'Alliance militaire au contrôle et qui nous sert son plan calqué sur celui des mondialistes du Deep State, mais arrosé d'une couche de sirop d'érable. C'est un dévoilement des révélations, ou apocalypse, progressif et édulcoré du narratif. Au final, il n'y aura ni sécession du Texas, ni guerre civile aux USA, ce qui aurait fait exploser le pays grâce aux démocrates, ni guerre mondiale avec Poutine, ni fausse pandémie X ou Y, mais tous les éléments seront réunis pour vous le faire croire, et le narratif qui vous sera imposé va monter crescendo jusqu'à provoquer le grand réveil des masses, for the Great Awakening. Ceux qui s'intéressent à tous ces détails font partie d'une extrême minorité pensante qui envoie du lourd chaque jour depuis 3 ans à une majorité passive et désinformée pour la sortir de son coma profond. C'est désespérément lent, mais cela fonctionne. L'EBS, ou Emergency Broadcast System, devrait réveiller prochainement le reste de la population mondiale et devrait mettre tout le monde d'accord sur la réalité de cette grande opération militaire internationale d'information, de désinformation, de contre-information, de hameçonnage et d'insurrection de toute l'humanité contre ce système totalitaire mondialiste qui nous enferme depuis bien trop longtemps. Il ne tient qu'à chacun de vous de monter dans le manège de Q et de l'Alliance et de rejoindre cette minorité pensante afin de profiter du grand spectacle et de ses sensations, ou choisir de rester devant le grand 8, un cornetto à la main. C'est gratuit et c'est la fête tous les jours. Profitez du spectacle et faites-en partie. Sherpa One.